Ceci est de la prose. Il va sans dire qu'écrire, c'est des non-dits. Pourtant, avec l'âge, je m'aperçois que l'écriture agit sur ma façon de parler. Pierre Carlet de Chambin de Chalivaux pensait que l'écrit devait influencer le parler. Louis-Ferdinand Céline a produit son contraire. J'ai de l'amour pour eux. Ceci est de la prose littéraire. J'aime pas les forces de l'ordre, les autorités comme l'ordre établi. Je contiens ma révolte et m'auto-censure pour rendre le roman plus lisible à l'image de ma vie. Dans les années 40, René Char était au Maquis. Paul Claudel, dans un château en Savoie. Un poète aime les sonorités, ça parle, ça crie, mais c'est contenu dans des phrases grammaticalement bien construites comme un cheval libre bridé au galop. J'aime pas les prosateurs, les versificateurs, les spécialistes, les pères des littératures d'autrefois, les bavards et bavardes, les sentimentaux qui confondent la poésie avec les relations amoureuses, qui confondent le sexe de Dali avec les relations amicales, qui pensent que regarder une fille dans les yeux, c'est poétique. Un poète, ça pue les pulls, ça marche sur tous les chemins.